الممنوع والسباح ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك في عقوق الوالدين. طيب دونك المحرم سيسكو الله سبحانه وتعالى interdit d'une manière absolue. تمام؟ سيسك الله interdit d'une manière absolue. فقال الشيخ العثيمين فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. Donc lorsque l'on dit que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit, cela exempte le wajib ainsi que ce qui est recommandé et ce qui est permis. Parce que ce qui est permis et ce qui est obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala il l'interdit pas. Au contraire, il l'ordonne. Tamam. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. Et lorsqu'on dit que c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'une manière absolue, ça exempte ce qui est détestable. Parce que ce qui est détestable, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qu'Allah il a interdit, mais pas d'une chose, pas d'un caractère absolu. Pas d'une manière absolue. Mafhoum? Na'am. Tayyib. Qala wa al-muharram yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqu al-iqab fa'iluhu. Donc le muharram, celui qui s'en éloigne par soumission à Allah Azza wa Jal, il est récompensé, et celui qui le commet, il mérite le châtiment. وَيُسَمَّا مَحْظُورًا وَمَمْنُوعًا. Et on l'appelle aussi مَحْظُور et مَمْنُوع. تمام. طيب قال المكروه. Ensuite, ce qui est détestable. قال والمكروه لغة المبغوض أو المبغض. يعني المكروه c'est la chose détestable. Une chose détestable. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بشمال والأعطاء والإعطاء بها. Donc, le makruh, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais pas d'une manière absolue. Comme le fait de prendre avec la main gauche et de donner avec la main gauche. C'est interdit, mais c'est pas d'une manière absolue. Ça veut dire celui qui donne de la main gauche, il donne de la main gauche et il prend la main gauche. C'est quoi son jugement, Abd al-Rahman? Lâcher aller. Lâcher aller. Ou Youssef? La Youssef. Ou lâcher aller. Non. Hassan. Donc, celui qui donne de la main gauche, il n'est pas châtié et il n'est récompensé. D'accord. قال فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. Donc lorsque nous avons dit que le makruh c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, cela exempt le wajib, l'obligatoire, le mustahab, ce qui est recommandé et ce qui est licite. Car Allah tout cela il ne l'a pas interdit. تمام. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. طيب والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. المكروه le détestable, celui qui le délaisse par soumission à Allah عز وجل, il est récompensé, et celui qui le commet, alors lui il n'est pas châtié. نعم. طيب هناك فائدة. La première فائدة c'est que les salaf ils avaient l'habitude d'appeler le makruh ou de désigner par le makruh al-muharram. Les pieux prédécesseurs comme l'imam Ahmad ou Ghayra, quand ils parlaient du makruh ils disaient ah, d'un makruh, Il voulait pas dire makruh comme les ceux qui sont venus après. Eux, pour eux, le makruh, c'était le muharram. Ce n'est pas le détestable. C'est l'interdit absolu. Tamam? C'est seulement pour ceux qui sont venus après, bien longtemps après, que c'est devenu, que le makruh, c'est devenu un interdit, mais non absolu. Ma femme, est-ce qu'on peut y aller? Non. طيب deuxième faïda. كيف تعرف المكروه؟ Comment tu sais d'une chose qu'elle est considérée comme détestable? S'il n'y a pas de. Par exemple, Allah n'a pas associé à cette chose un châtiment ou Si Allah il n'a pas ajouté ou lié à cette chose un châtiment ou une malédiction. بالقرائن اي قرائن مثلا le feu de Bordeaux t'as des dilla comme quoi le prophète sallam il interdit et quand tu regardes le feu sunna t'as d'autres adilla où il a bu de vous Jamil mais avant tout il faut déjà commencer par dire que c'est une yani, comment tu reconnais le macro tu sais déjà que c'est un interdit c'est une chose qui est interdite. Tamam? Maintenant, elle est interdite, mais pas d'une manière absolue. Taïb. Donc toi, c'est soit tu vas avoir des qara'in, des indices, comme a évoqué Abu Abdelrahman. Par exemple, celui qui boit debout. Le prophète Sassim, il est interdit de boire debout. Mais il y a des indices qui montrent que c'est pas d'une manière absolue. Pourquoi? Parce que lui-même, il l'a déjà fait. Il a déjà bu debout. Naam. وكذلك ماذا أن يضع الشارع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل et aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde une récompense pour celui qui laisse la chose et aucun châtiment pour celui qui l'a fait. C'est qu'un exemple. Donner de la main gauche. Donner de la main gauche. Taïb. Donner de la main gauche. La basse. Là, il évoque un hadith. Le hadith du prophète sallam où il dit Ana za'imun bi baytin fi rabd al janna liman taraka al mira wa law kana muhiqqan. Al mira. Je garantis à une personne, ça c'est le prophète, ça c'est midi, je garantis à une personne un jardin au paradis pour celui qui délaisse le débat alors qu'il est en plein, alors qu'il est en droit. Là c'est quoi la chose qui est macro? Le débat. Tamam? Le fait qu'il le laisse, il a une récompense. Mais s'il le fait, Il n'est pas châtié. Ça va? Mais c'est pas à force de faire des choses détestables qu'on tombe dans le péché. À force de faire des choses détestables, on tombe dans le péché. Kalam Jamil Jiddan. Wadi Faïda Kadal. Ktubouha, celui qui peut l'écrire. Que Al-Makrouhat Muqaddimato Al-Muharramat. Les choses détestables. Ce ne sont que les prémices des choses interdites. C'est-à-dire que quand toi tu es dans les choses détestables, il faut pas s'y appesantir. Parce que c'est un chemin qui mène vers les muharramat. Wa kadhalika al-mustahabbat muqaddimatu al-wajibat. Naam. Et comme les choses recommandées aussi, c'est les prémices des choses obligatoires. Naam. Taïb. Donc vous retenez que le makro, on le reconnaît par deux choses. Soit le législateur a mis une récompense dans le fait de le laisser, de délaisser cette chose, sans toutefois châtier la personne qui l'a fait. Ou soit tu le reconnais par certains indices, comme a évoqué Aaron. طيب قال المباح المباح والمباح لغة المعلن والمأذون فيه المباح في اللغة c'est la chose qui est annoncée ou la chose qui est permise تمام واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا. Donc le mubah, c'est ce qui n'a aucun lien avec un ordre ou un interdit en lui-même. C'est ce qui n'a aucun lien avec un ordre et un interdit en lui-même. Comme le fait de manger durant les nuits de Ramadan. Tamam. Hada huwa al-mubah. Wa bihada qad intayna min al-ahkam al-khamsa. Tamam. Donc là on a vu les Ahkam al-Khamsa. Qui c'est qui nous fait un résumé des Ahkam al-Khamsa? Le wajib. T'as le wajib. Avec la définition ou... Le wajib, c'est quoi sa définition? C'est ce que Allah a ordonné de manière obligatoire. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de manière obligatoire. T'as son jugement? Celui qui le fait par soumission pour Allah, il est celui qui le fait par soumission pour Allah Azza wa Jalla, il est récompensé. Celui qui le délaisse, il a un péché. Celui qui le délaisse, il a un péché. Celui qui le délaisse, il a un péché. Yastahiq. Il mérite. Il mérite. Pourquoi on a dit il mérite? Parce que c'est Allah. Si il veut, il lui pardonne. Et si il veut, il le châtie. Donc on dit il mérite le péché. Il mérite le châtiment. Tamam. Ça, c'est le wajib. Ensuite, Al-Mustahab. C'est ce qu'Allah a ordonné, mais pas de manière obligatoire. C'est ce qu'Allah a ordonné, mais pas d'une manière absolue obligatoire. Taïb, c'est quoi son jugement? Celui qui le fait pas, celui par là, il est récompensé. Celui qui le délaisse, il a rien. Voilà, celui qui. Mais dans certains cas, il est blâmé. Ouais, dans certains cas, il est blâmé. Ah, ensuite, on a. Il y a le haram. Al-Haram. C'est ce qu'Allah il a interdit de manière absolue. Ahsan. Son jugement? Celui qui le commet, ben, il mérite un châtiment. Celui qui le commet, il mérite le châtiment. Et celui qui le délaisse par soumission, il sera récompensé. Et celui qui le délaisse par soumission, il sera récompensé. Mais je te donne un bon exemple, Jacob. Une personne, elle se trouve entre quatre murs. Et maintenant, il veut regarder, il veut observer des femmes qui passent dans la rue. Tamam. Mais lui, il est entre quatre murs. Il a essayé de monter le mur, il n'a pas réussi. Tamam. Donc lui, il n'est pas tombé dans le haram. Il est récompensé. Parce que s'il aurait eu l'occasion, il l'aurait fait. Alors il n'est pas récompensé. Il n'est pas tombé dans le haram. Mais il avait l'intention de le faire. Non, il avait l'intention de le faire. Donc chez toi, il est récompensé ou il n'est pas récompensé? Il n'est pas récompensé. Il n'est pas récompensé. Il n'est pas un péché? Il n'est pas tombé dans le haram. Il mérite. Il mérite. Je sais pas. Il mérite. Non, mais il prend un péché par rapport à mal. Par rapport à Sanir. Non. Par rapport à Sanir. T'as vu? Donc là, c'est important que. Vous comprenez le mot imtital. S'il fait la chose, il doit la faire par soumission. S'il la délaisse, il doit la délaisser par soumission à Allah Azza wa Jal. La vraie. Taïb, ensuite, on a, il manquait quoi? Il y a le macro. Le macro, c'est quoi? C'est ce qu'Allah il a interdit, mais pas de manière absolue. Mais pas de manière absolue. Ahsan. Donc celui qui le délaisse, il est d'une manière en guise de soumission. Il est récompensé et celui qui le commet, il n'est pas châtié. Et ensuite, le dernier Al-Mubah. Al-Mubah. C'est ce qui n'a aucun lien avec un ordre ou une interdiction. Non, c'est ce qui n'a aucun lien avec un ordre ou une interdiction en soi. Tamam. وبه ننتهي وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جلسه ندير على القواعد الاربعه ونقضي على القواعد